le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. Il se passe des choses bizarres sur le web et aux quatre coins de la province depuis quelques jours. Des agents d'une police secrète ont été aperçus dans plusieurs centres-villes. Peut-être les avez-vous vus. Ils disent rechercher une femme dénommée Xira. Il y a aussi des phénomènes étranges qui ont été observés au sommet de la tour de la Cité de l'énergie à Shawinigan. Des photos de ça circulent actuellement sur Internet. On a aussi remarqué la présence de nombreux graffitis un peu partout au Québec. C'est toujours le même. Un symbole de tête de mort et une adresse Internet, reperio.ca. La semaine dernière, le panneau publicitaire de FLAF, un reportage mode à Musique Plus animé par Marie-Claude Perron, a également été vandalisé à Montréal. Quelqu'un y a écrit en lettres blanches « Résister » et « reperio.ca ». Est-ce que tous ces événements sont reliés? C'est ce qu'on va tenter de découvrir au cours des prochains jours. Mais à première vue, tout ça ressemble à un « rabbit hole », en français, un « trou de lapin ». Ce terme, qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles, est associé aux jeux de réalité alternée qui font fureur sur le web. Le rabbit hole est en quelque sorte le premier chapitre d'une histoire qui mêle à la fois fiction et réalité et que vous pouvez influencer en jouant. On aura plus de détails demain, à la même heure. En attendant, vous pouvez toujours plonger dans cette aventure inusitée en vous rendant sur le site reperio.ca.